a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! Did he get it? He got it! Here's a shot. Henderson made a wild stab for spell. Here's another shot. Right by the shore. Bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie. Pierre-Luc, comment ça va? Ça va bien toi? Ah, ça va très bien toi. Hey, Guillaume Beaulieu, comment ça va ce matin? Top shape, écoute. On a eu du football en fin de semaine de toute beauté, mon gars, c'était hallucinant. Ah, écoute, c'était une belle fin de semaine, c'était une fin de semaine de football. Là, écoute, t'avais tout ce qui était bol au complet en province qui se jouait, c'était écœurant. On a eu des belles victoires. Québec, son programme, sérieusement, là, s'est rendu très, très fort. Puis pour ce qui est de football universitaire, puis même canadien, on peut pas demander mieux. Là, c'était génial. C'était vraiment bon. Écoutez tout le monde à la maison, on vous le rappelle, vous pouvez nous rejoindre en tout temps au live en commercial inconduitedepartie.com et au www.inconduitedepartie.com. Cette semaine à l'émission, on va parler de hockey bien sûr, Pierre-Luc, ton hockey de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et en deuxième partie de l'émission, on fait ça, football, écoute, spécial football, c'est la Coupe Vanier en fin de semaine, c'est la Coupe Grey aussi, on n'a pas le choix, faut passer dessus, ça va nous faire plaisir, c'est pourquoi on a Guillaume Beaulieu en studio et JP Grenier par téléphone. Mais tout d'abord, on passe aux actualités de la semaine. Alors, cette semaine, chez les Patriotes, ils disputaient trois matchs, donc deux en fin de semaine dernière, contre l'Université de Toronto et contre l'Université Ryerson, les deux parties disputées à Toronto. Et les Patriots continuent sur leur lancée. Écoute, ils sont en feu. C'est toute une saison pour l'instant. Victoire de 5-2 contre Toronto. Puis on a eu droit à quelque chose qu'on n'avait pas encore vu cette année, c'est-à-dire, ou très peu, c'était une contribution très solide de la part du troisième trio. Étienne Balavance-Martin, 4 points. Francis Charland, 3 points. Et 2 points pour notre chum Nicolas Caouette. C'était une victoire pour Michael Dupont, chez les Patriotes. Le lendemain, contre Ryerson, ça s'est continué pour les trios de soutien. Donc, ça va très bien. C'est but de 2 points pour Nicolas Caouette. Victoire de 3-0 des Patriotes. Donc, hey, grosse fin de semaine pour Nicolas Caouette. C'est un blanchissage pour Jean-Christophe Blanchard qui continue à très bien faire son travail. On doit souligner aussi la prestation du gardien de but Paul Gibson de Ryerson qui a fait 55 arrêts dans le match. Donc toute une prestation, malheureusement, son équipe l'a pas suivi. Et hier soir, les Pats qui voulaient à tout prix battre Carlton. Donc on était à Ottawa hier soir. Pour Carlton ont été la seule équipe qui a donné une défaite aux Patriots cette année. Donc... ce fut une très bonne victoire de la part des Patriotes. 4-2, 2 points pour le capitaine Mathieu Gravel dans la victoire. Alors, les Patriotes sont maintenant classés 3e au pays. C'est un bon d'une position. Ils ont la meilleure fiche au pays, mais par contre, on considère que l'Université d'Alberta évolue dans une conférence un petit peu plus difficile que celle des Patriotes. Et aussi, Jean-Christophe Blanchard a été nommé le joueur de la semaine chez les Patriotes. C'est la vedette en ce moment, là, Jean-Christophe Blanchard. Jean-Christophe Blanchard, joueur de première année, mais écoute, il joue du très, très gros hockey. Surprenant, ce jeune homme. Ouais, écoute, c'est une bonne acquisition pour les Patriots. Vraiment, vraiment. Chez les Cataractes, ils continuent à exceller. Ils ont battu le record des victoires consécutives de l'équipe qui était de 13. Donc, vendredi soir à l'Arena Jacques Plante, c'est une victoire de 4-1 pour les Cats sur les Olympiques de Gatineau. Et samedi après-midi, encore une fois, dans la Cité d'énergie, c'est une victoire de 3-1 pour les 4 sur le Rocket de l'île du Prince-Édouard. Cédric Lalonde-McNichol récolte 4 points dans sa fin de semaine, ce qui lui fait un total de 46 points en 23 matchs pour le joueur qui est propriété des Pingouins de Pittsburgh. Il n'est donc pas étonnant de le voir au premier rang des marqueurs de la Ligue, et il est suivi de son coéquipier Nicolas Peterson, qui compte 37 points à son actif. Et au football, on en a parlé un petit peu, le Rougeur de Laval affrontait les Dinos de Calgary cette fin de semaine pour la Coupe UTEC, et ce fut probablement le plus gros massacre de l'histoire de cette classique, alors que le Rougeur a dévoré les pauvres Dinos. La marque était de 49-0 après la première demi. Ça s'est terminé par un pointage de 59-10. Benoît Groulx, qui est le carrière de l'équipe, n'a même pas disputé la deuxième demi. On a envoyé pas mal tout ce qui était possible d'envoyer comme deuxième joueur sur le terrain. Donc, ça le gueule très, très bien pour la machine lavalloise qui va disputer la Coupe Vanier, emblème de la suprématie canadienne, contre les Mustangs de Western. On va en reparler plus tard dans l'émission. Et on s'en va maintenant en musique avec une chanson du tout dernier des Pistolets Roses. On s'en va écouter On joue à la guerre sur les ondes de C'est fou 89.1. C'était les Pistolets Roses avec la chanson « On joue à la guerre ». Hockey Junior, Pierre-Luc Giroux. Pierre-Luc. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'hockey junior cette semaine? Il s'en est passé gros des choses cette semaine dans la Ligue junior majeure du Québec. Donc cette semaine, tout d'abord, on va parler comme d'habitude de nos Cataractes qui ont finalement battu le record d'équipe avec 14 victoires de suite. On va ensuite parler de nos Voltigeurs qui vont bien aussi dans les temps qui courent et des Tigres qui perdent beaucoup de terrain dans le classement avec les défaites accumulées des dernières semaines. Et on va terminer en parlant du match Russie contre Canada qui a eu lieu lundi soir. Donc, on va commencer avec les Cataractes. Comme je l'ai dit plus tôt, on a battu un record de concessions en remportant une 14e victoire de suite, ce qui est une de plus que le record qui avait eu lieu en 1994-95. Donc, on n'a même pas encore joué la moitié de la saison et on sait déjà que l'année 2008-2009 des Cataractes passera à l'histoire. Ça va extrêmement bien pour nos Cats. En plus d'être à 14 victoires de suite, l'équipe est au premier rang du classement général de la JMQ avec 21 victoires et 4 défaites depuis le début de la saison. Ensuite, du côté des honneurs individuels, 3 des 5 meilleurs marqueurs de la Ligue sont des joueurs des Cataractes, avec Cédric Lalonde-McNichol au premier rang, Nicolas Peterson au deuxième rang et Mathieu Pistilli au cinquième rang. Du côté des défenseurs, ils possèdent 2 des 5 meilleurs marqueurs de la Ligue avec Charles-Olivier Roussel et Simon Lacroix. Du côté des gardiens, les Cats peuvent se vanter aussi d'avoir le deuxième meilleur gardien de la Ligue, Timo Pallmeyer, avec une moyenne de 2.01. Et les Cats, en plus de tout ça, se situent au premier rang des unités spéciales avec une moyenne de 36.4%. Donc, comme vous voyez, là, les Cats se situent au top partout où ce qu'ils peuvent être. Et je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'eux cette saison parce que le meilleur s'en vient. En tout cas, on peut dire que c'est vraiment une belle année pour inaugurer le nouvel aréna de Shawinigan. En passant, l'aréna de Shawinigan arrive à grands pas, 37 jours, je crois, exactement. Donc, on a hâte. J'ai vu les images hier dans le journal, je crois, puis ça va être beau. Ça va être très beau. Il y a des très belles loges. Ah, puis c'est spacieux, c'est beau. D'après moi, on va avoir une belle vue de partout. Très, très beau. Enfin, on va avoir un bel aréna là, pour les Cataractes. Il y a un manque des arénas de même au Québec. Ouais. Donc, les Cataractes avaient 2 matchs en fin de semaine. Tout d'abord, ils recevaient la visite des Olympiques de Gatineau vendredi soir à l'aréna Jacques Plante. C'est le grand joueur de 6 pieds 4, Ashton Bernard, qui a ouvert la marque pour les Cats en première période. Ce qui fut le seul but de la période, car il a fallu attendre en fin de deuxième période pour voir un autre but des Cats. C'est Cédric Lalonde-McNichol qui a déjoué le gardien des Olympiques, Marc-Antoine Gélina, sur un but marqué en avantage numérique. Ce qui donnait une avance de 2-0 pour les Cats après 2 périodes. La machine des Cataractes s'est remise en marche en troisième période avec 2 buts en début de période, alors que Pierre-Alexandre Vandal a marqué encore une fois en avantage numérique et Philippe Paradis a réussi lui aussi à déjouer le gardien des Olympiques. Mais Paul Byron est venu briser le jeu blanc de Timo Pallmeyer en milieu de troisième, ce qui fut le compte final 4-1 pour les Cataractes. Le lendemain, c'est le Rocket de l'Île-du-Prince-Édouard qui se rendait à l'aréna Jacques Plante, alors que les Cats tentaient de battre le record avec une 14e victoire de suite. Et les partisans des Cataractes ont été nombreux à venir encourager les siens, alors que 3108 personnes ont assisté en ce match, ce qui fut la meilleure foule depuis le début de la saison. On a dû être un peu entassés là, dans la petite aréna de Jacques Plante à Shawinigan. Donc, les Cats, probablement poussés par la foule, ont inscrit le premier but de la rencontre en avantage numérique. C'est un but de Lalonde-McNichol qui a donné les devants 1-0 aux Cats. Le Rocket a répliqué en deuxième alors que Mathieu Lachaine a déjoué le gardien substitut Gabriel Girard. Après 2 périodes, la marque était toujours de 1-1. On a entendu jusqu'en troisième avant que Pierrick Martel marque un but en désavantage numérique, ce qui donna une avance de 2-1 à nos Cats. Et encore une fois, Cédric Lalonde-McNichol, avec son 17e de la saison, est venu assurer la victoire aux siens et ainsi remporter une 14e victoire et aussi passer à l'histoire la concession des Cataractes de Shawinigan, qui fête en plus de ça cette année leurs 40 ans. Donc, les Cataractes tenteront d'améliorer leur record ce vendredi, toujours à l'aréna Jacques Plante, alors qu'ils recevront la visite des pauvres Maniacs de Lewiston. Ça sera d'ailleurs le seul match des Cataractes cette semaine. Maintenant, parlons des Voltigeurs qui, eux aussi, ont connu une très bonne fin de semaine alors qu'ils avaient une lourde tâche parce qu'on avait trois matchs en trois soirs. Donc, tout d'abord, vendredi, les Volts recevaient la visite des Maniacs de Lewiston, un club que les Voltigeurs avaient battu deux fois dans la dernière fin de semaine avec un total de 20 buts à 5 dans les deux matchs. Et ce fut encore une fois une partie de plaisir pour les hommes de Guy Boucher, alors qu'ils les ont battus facilement par la marque de 8 à 3. Pourtant, les Maniacs avaient pris les devants 2 à 0 en deuxième période, mais les Voltigeurs se sont réveillés avec 6 buts sans réplique, ce qui a mis Lewiston dans les câbles. Excuse-moi de te couper, c'était les Voltigeurs qui avaient planté les Maniacs 20 à 3 en deux matchs. C'était 20 à 5. 20 à 5, boy. Yes, ils n'ont pas facile les Maniacs cette année. C'est ça, non, ça sera pas facile. Mais là, les Maniacs se rapprochent des Tigres. On est maintenant à 4 points des Tigres de Victoriaville. Je sais pas si tu te rappelles, au début de la saison, on avait quand même une bonne lutte entre Shawinigan, Victo, Drummond. Mais je pense que Victo est en train de prendre une débarque. On est en train de rivaliser là avec les Maniacs. Ok, maintenant. C'est ça. C'est pas, dans le fond, c'est pas les Maniacs qui montent, c'est Victo qui descend. C'est Victo qui descend. Donc, le joueur du match fut Yannick Riendo, lui qui a récolté 2 buts et 2 passes dans la victoire. Riendo, en plus de ça, a été choisi le joueur offensif de la semaine dans la Ligue junior majeure du Québec. Le lendemain, les Voltigeurs avaient la tâche difficile alors qu'ils recevaient la visite d'une équipe qui n'avait toujours pas perdu de match en temps réglementaire, les Wildcats de Moncton. Ces derniers ont été les premiers à marquer à mi-chemin en première période sur un but de Matt Lahaye. En deuxième période, les Wildcats ont doublé leur avance alors que Mathieu Bissonnette a déjoué le gardien Antoine Tardif. Mais malgré leur domination au chapitre des tirs, il a fallu attendre en fin de deuxième période pour voir les Voltigeurs s'inscrire au pointage sur un but en avantage numérique de Dimitri Koulikov. Par la suite, en troisième période, Gabriel Dumont est venu créer l'égalité pour faire 2-2. Et finalement, alors qu'il restait moins de 3 minutes au match, Samson Mabod est venu créer l'euphorie dans le centre Marcel Dion en déjouant le gardien des Cats, Nicolas Riopel. Et voilà, les Voltigeurs ont réussi l'impossible en donnant un premier revers en temps réglementaire aux Wildcats cette saison. Une belle victoire de 3-2 pour Drummondville qui, je pense, va leur donner énormément de confiance là, pour les prochains matchs. C'est surprenant. Yes. Puis dimanche, troisième match en trois soirs pour les Voltigeurs alors qu'ils se rendaient à Victoriaville pour y affronter les Tigres. Mais ça n'a pas empêché les Voltigeurs à continuer leur bon travail alors qu'en deuxième période, Yannick Riendo et Mike Hoffman ont tour à tour déjoué le gardien des Tigres pour leur procurer une avance de 2-0. En troisième, les Tigres ont creusé l'écart à 1 but sur un tir en avantage numérique de Maxime Tanguay. Mais les Voltigeurs ont remis les pendules à l'heure en fin de match sur un but de Marc-Olivier Vachon pour procurer la victoire aux Voltigeurs par la marque de 3-1. Les Voltigeurs en sont donc à 5 victoires de suite, ce qui les rapproche à 2 points du deuxième rang du classement général derrière les Wildcats et à égalité avec les Remparts. En parlant des Remparts, ce sera d'ailleurs les prochains adversaires des Voltigeurs ce jeudi au centre Marcel Dion, ce qui leur donnera la chance de les devancer au classement. Et les Volts termineront leur fin de semaine dimanche, toujours à Drummondville, pour y affronter encore une fois les Tigres. Et on va en parler des Tigres, eux qui ne vont pas très bien dans les temps qui courent. Ils avaient 2 matchs la fin de semaine dernière. Tout d'abord, ils se rendaient à Rimouski pour y affronter l'Océanique. Les Knicks ont pris les devants 2-0 tôt en première période, alors que l'espoir des Devils du New Jersey, Patrice Cormier, a enfilé 2 buts d'affilée avant que les Tigres répliquent avec un but de Kevin Dupont. En deuxième période, l'Océanique ont repris leur avance de 2 buts alors que Frédéric Desrochers a déjoué le gardien Kevin Poulin. Mais la réplique n'a pas tardé pour les Tigres sur un but en avantage numérique de Dave Nolin. La marque était alors de 3-2 après 2 périodes. Mais Jordan Caron de l'Océanique est revenu donner la priorité de 2 buts à son équipe avant de voir Travis McIsaac encore une fois résoudre l'écart à 1 but. Les Tigres ont finalement tout essayé en retirant leur gardien en fin de match. Mais c'est plutôt encore une fois Patrice Cormier avec son tour du chapeau qui est venu donner la victoire à l'Océanique par la marque de 5-3. Et comme on en a parlé plus tôt, ils ont été défaits par les Voltigeurs dimanche par le pointage de 3-1. Donc, je pense que les Tigres ont besoin de se redresser si on veut espérer terminer la saison avec une fiche en haut de 500, car ils ont qu'une victoire dans les 8 derniers matchs. Donc, ça va mal pour Victoriaville et ça commence à paraître tranquillement pas vite dans le classement. car les Maniacs, comme on l'a dit plus tôt, sont maintenant qu'à 4 points des Tigres pour l'obtention du troisième rang de la section centre. Donc, on va espérer qu'il y ait un réveil de leur part dans les prochaines semaines. Donc, cette semaine, vendredi, ce sera leur tour de recevoir les autres de la Coupe Memorial Océanique de Rimouski avant de se rendre au centre Marcel Dionne dimanche pour y affronter les Voltigeurs. En terminant, on va parler du défi ADT Canada contre Russie qui a lieu ce lundi au Cap-Breton. On a eu droit à un très bon match entre les deux équipes avec beaucoup d'intensité, contrairement à des matchs auparavant où des fois, on voyait beaucoup de relâchement des joueurs là pour justement éviter les blessures. Je dirais que le match, contrairement à des fois aux autres années, ça a été avec beaucoup d'intensité, puis c'était intéressant comme match. Puis on voyait aussi des dégelés, là, des fois, qu'il y a eu là, des grosses différences de score. C'était pas des matchs très, très intéressants, des fois, là, quand c'était comme trop facile. Ouais. Mais cette année, on a vraiment eu un bon match. Donc, comme le Canada, en plus de ça, a remporté ce match par la marque de 5-3 sur un but victorieux d'Angelo Esposito. Les autres marqueurs du Canada ont été Luke Adam, Alex Grant, Paul Byron et Nicolas Peterson des Cataractes de Shawinigan. La première étoile du match a été le gardien de but Olivier Roy des Screaming Eagles Cap-Breton alors qu'il a repoussé 18 des 19 tirs dirigés vers lui. Et la deuxième étoile est allée à Dimitri Kougrichev des Remparts qui a réalisé un très beau but en troisième période. Le prochain match des deux équipes aura lieu ce soir à Saint-Jean. Donc c'est ce qui termine les actualités de la LHJMQ. Hey, merci beaucoup, Bialuc. Ça m'a fait plaisir. On passe à une pause. Au retour, on parle football pour le reste de l'émission. Ne manquez pas ça. Mira sera à l'UQTR le lundi et mardi 24 et 25 novembre prochain dès 8h30 pour une collecte de fonds spéciale. Viens les encourager à la cafétéria. Les dons en argent seront aussi les bienvenus. Une initiative du site internet donnerecevoir.com en collaboration avec l'UQTR et C'est Fou 89.1. Faites une rentrée remarquée. Il se déroulera la journée carrière en enseignement le mercredi 3 décembre de 11h à 16h à l'UQTR dans le hall du pavillon Albert-Tessier. Pour de l'information sur les perspectives d'emploi, les postes à combler et la façon de postuler. Plusieurs milieux scolaires représentés à la journée carrière en enseignement le mercredi 3 décembre de 11h à 16h à l'UQTR dans le hall du pavillon Albert-Tessier. Venez en grand nombre. Vous êtes tanné de crier pour commander votre bière? Va te prendre une bière! Va t'en prendre une petite! Vous êtes tanné que votre bière goûte toujours la même chose? Oh non! Pas encore du Perrier avec de l'orge! Avec plus de 70 variétés de bières et plus de 30 sortes de scotch et son personnel accueillant qui saura vous conseiller, le trèfle et son ambiance décontractée est la place pour vous. 363 des Forges, ouvert 7 jours sur 7. Belle fun, sir! C'est beau en plus! Taverne irlandaise, le trèfle. 363 des Forges. Hey Mike! Viens-tu dîner avec moi ce midi? Ben oui, où est-ce qu'on va? Je le sais pas. Veux-tu aller chez Mia Pasta? Ah, je connais pas. C'est un nouveau concept de bar à pâtes. Il y en a un dans le Quiznos, juste à côté. Parfait, je t'invite. Pourquoi tu ris? Ben, c'est juste qu'en ce moment, il y a un 2-pour-1 au Mia Pasta et au Quiznos. Ah, ben raison de plus pour t'inviter. Mia Pasta et Quiznos, 3544 Boulevard des Forges, l'après-cours par excellence. Pour toi et bon pour toi. Chapeau, dans mes portes en chapeau, quand on est dans le bout des suppléments moyens, on va se mettre. Et c'était Le Monde dans le feu avec la chanson Un coup mal pris. Cette chanson figure au 10e rang du palmarès francophone de Sifu de cette semaine. D'ailleurs, ne manquez pas le palmarès chaque vendredi 17h, animé par le prolifique Mathieu Plante. Vous écoutez Les Conduites de partie, il est 9h32, il fait moins 5 à Trois-Rivières et bonne nouvelle, le prix de l'essence à la bourse est en baisse de 75 sous. Pour nous joindre en studio, c'est le live en commercial inconduitedepartie.com. Et maintenant, c'est le temps de parler football. On accueille en studio... On accueille en studio JP Grenier. JP, est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour. Comment ça va, JP, ce matin? Ce matin, les gars, ça va super bien. Écoute, JP, comment il fait, toi, à Trois-Rivières? Pas à Trois-Rivières, à Sherbrooke. Bon, à Sherbrooke, il fait pas chaud encore une fois, de la petite neige. Agréable, par contre, à l'œil, là... J'aime mieux ça que de la pluie, donc... C'est un fait. Écoute, JP, ce matin, grosse journée football. Ah, c'est pour ça aussi qu'on a Guillaume Beaulieu en studio. On est équipé aujourd'hui. On est grillé comme on l'a rarement été. Hey, JP, qu'est-ce que tu penses de la Coupe Vanier en fin de semaine? Comment tu vois ça? Fais-nous un preview de cette partie. OK, donc, ça sera les deux équipes qui s'opposent. Ça sera Laval ainsi que Western Ontario, les deux meilleures équipes au pays. Donc, on s'attend à un bon duel. Je pense que ça va être pas mal meilleur que la UTEC Bowl qui a ça été remarquable tantôt. J'ai retenu quelques points. C'est la première fois que les deux clubs du Québec et de l'Ontario s'affrontent. C'est du jamais vu. Western Ontario, eux, détiennent le record pour le plus grand nombre de Coupe Vanier avec 6 en 12 apparitions. Les deux équipes ils ont déjà gagné dans 3 stades différents. On peut s'attendre à un bon match parce que c'est comme les deux meilleures offensives de la Ligue avec deux excellentes défensives. Les deux équipes, dans le fond, ils ont des grands joueurs. Notamment à Laval, ils ont le meilleur joueur de la Ligue, Benoît Groulx. Excellent carrière. Et le meilleur entraîneur aussi, Glenn Constantin. Selon moi. Tant qu'à moi, le meilleur programme, là, tout simplement. Là, comme je disais hier dans le Journal de Montréal, Serge Lemens qui dit que le programme du Rouge et Or est mieux coaché que certains programmes de la CFL. Selon moi, si Glenn Constantin parlerait plus anglais ou serait anglophone, viendrait de l'Ouest ou même de l'Ontario, d'après moi, ça ferait longtemps qu'il serait dans les Canadiennes. Ah, il veut pas y aller. Il veut pas y aller. Ça s'était parlé, puis il est pas intéressé à y aller parce que justement, le programme Université Laval, il donne probablement plus de plaisir à coacher que le programme de la CFL. Ben, c'est parce que c'est le fun pour lui aussi de coacher à Laval, là. Tu sais, écoute, il évolue, il voit évoluer ses joueurs, puis il va partir après, là. C'est plus gratifiant pour lui que de coacher dans la CFL, là. Tandis que dans la CFL, tout ce que ça fait, c'est que tu vois tes joueurs arriver, puis tu les vois partir 2 ans plus tard. c'est pas mal ça. Moi, je t'ai dit que le jour où il va coacher dans la CFL, ça va être le jour où il va avoir une équipe de Québec dans la CFL. Oh boy, ça y est. Mais moi, personnellement, JP, pour te piquer un peu ce que tu disais, mais si justement son anglais serait meilleur, en tout cas, je sais pas comment à quel point il est, mais d'après moi, il serait dans la NCAA. Il serait pas mal aux États, là, c'est mon impression. T'as peut-être raison. Les deux clubs ont déjà joué en pré-saison un contre l'autre. Laval ont gagné les deux victoires en 2007 en 2008. Cette année, 37-9. Est-ce que c'est un preview? Est-ce que c'est un aperçu? Ouais, faut pas. Je sais pas, mais en tout cas, ça sauverait une bonne partie encore une fois, là. Peut-être dans le même moule que contre Concordia. Mais JP, est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que la conférence Québec, c'est probablement une des meilleures conférences qu'on a au pays présentement, justement à cause du niveau de jeu de Laval, là? Ça, c'est vrai. C'est sûr que côté maritime, on peut pas en parler. L'Ouest, ils ont quand même des bons clubs avec Saskatchewan, Laurier. Ontario, je peux t'avouer que je connais plus ou moins leur équipe, mais Western Ontario ont l'air vraiment solide, là, encore une fois. Mais tu sais, pour que t'aies, on a eu combien d'équipes qui ont fini dans le top 10 cette année? Je pense qu'on a... Oh? On a 3 possiblement. Concordia, Montréal, Laval. Ah, je suis pas sûr, par exemple. Ouais, je parierais pas là-dessus parce que je sais que Sherbrooke a fini hors parce qu'ils ont eu une mauvaise fin de saison, hein, JP? C'est vrai. mais c'est parce que c'est de voir qu'on parle de la meilleure équipe de tous les temps à Laval. Mais ça, je suis d'accord avec. Là, écoute, tu sais, puis pour l'avoir entendu de certains commentateurs sportifs, t'as probablement la meilleure esprit d'équipe qu'il y a jamais eu à Laval présentement. Là, écoute, t'as, les gars ont travaillé fort de game en game. Là, tu sais, c'est dur, sérieusement, d'écraser tout le monde à chaque semaine, puis de te remettre au boulot le lundi matin, puis de vouloir écraser l'autre tout le temps, là, tu sais. Puis quand il y a eu des choses qui ont pas bien été pendant la saison, ça se l'est dit en pleine face, là. Ah non, c'est clair, là, s'il y avait du lavage qui se faisait le lundi matin, là, quand ça va se faire, là, écoute... Je pense à Brodeur Jourdain, qui a remis sa ligne offensive à sa place quand que... Benoît Groulx s'était fait saquer 4 fois dans la même game, ce qui est inacceptable pour une ligne offensive de la qualité de celle du Roger Hart. Donc, au moins, on lave son linge en famille, puis on fait ça pour s'améliorer, dans le fond. Puis c'est que tout le monde marche main dans la main dans ce programme-là. Puis, en plus, c'est que t'as beaucoup de joueurs qui font partie de l'équipe. Tu sais, sur Laval, là, t'as un très, très fort pourcentage de joueurs qui font partie de l'équipe canadienne élite, là, tu sais. Fait que ça pèse dans la balance un moment donné quand tu joues des games, là, tu sais. Mais revenez à ce qu'on disait, c'est ça, c'est que, tu sais, si on se dit que c'est la meilleure équipe de tous les temps à Laval ou une des meilleures équipes, puis Concordia a presque failli les battre en finale, c'était très serré. Ça veut dire une chose, Concordia avait tout un programme de football cette année, là. On parle, tu sais, ils ont fini peut-être 6e au Canada, mais si on met ça à l'échelle, peut-être que justement, c'était peut-être un top 3, là. Peut-être qu'on avait deux des meilleurs programmes de football de, bon, si on peut dire, là, en tout cas tous les temps, en tout cas de très récemment au Québec, là. Ça prouve à quel point le Québec est fort au niveau football. Ouais, mais ça revient un peu à ce que je te disais hier, Nick, puis tu vas pouvoir confirmer avec moi, JP, là. Quand tu joues avec les meilleurs, puis quand tu joues contre les meilleurs, puis tu te pratiques à jouer contre les meilleurs, puis à les affronter, automatiquement, tu rehausses ton jeu d'un cran tout au long de la saison, là, tu sais, puis t'as pas le choix de performer plus fort parce que tu sais que si tu te présentes pas au game, que tu joues contre Laval, ben, tu vas te faire massacrer, tu sais. Puis déjà, quand te présentant au game contre Laval, la plupart du temps, tu risques de te faire massacrer déjà en partant, là, tu sais. Fait que tu peux pas ne pas être préparé quand tu joues dans la Conférence Québec, là, à part peut-être McGill qui sont dans le champ un peu cette année, là. Ben, tu peux pas être préparé, justement. Tu peux l'être pas préparé, ça donne McGill. Okay, ça donne ça, là, c'est ça. Leur coaching staff, il est incroyable, là. Selon moi, leurs méthodes sont pas égales au Québec, là. Glenn, il est bon, mais tu sais, il n'y a pas juste lui non plus. Là, non, il y a une équipe d'entraîneurs que, semaine après semaine, je pense, ils ont la discipline pour réussir. Mais tu sais, regardez, prenez la game contre Concordia. Ils ont failli l'échapper. Qu'est-ce qui est arrivé la semaine suivante? Ils ont carrément démoli Calgary. Mais je pense que... Ça qui est impressionnant. Ils se sont relevés, se sont regardés. Regarde, on a failli l'échapper. On travaille-tu encore plus fort? Ce que ça a donné, un massacre. Mais là-dessus, écoute, pour revenir un peu sur ce que tu disais aussi, là, Glenn, quand il a été interviewé concernant justement sa nomination comme entraîneur de l'année, il a dit « Regarde, oui, c'est beau, c'est le fun, fine, OK, mais j'ai du monde pour me backer, puis on travaille fort à chaque semaine, là. » Puis c'est ça que ça veut dire aussi, là, tu sais, il y a le monde, puis c'est du monde qui l'entoure depuis le début, qui est à Québec, qui sont là avec lui, fait que c'est ses hommes de confiance qui sont là à chaque fois, là. Puis t'as des excellents entraîneurs aussi qui sont produits du produit Laval, qui présentement sont en train de donner ce modèle-là un peu dans le football collégial au Québec. Là, on a juste à prendre l'exemple de Pat Bois qui est rendu à FX Garneau. Écoute, FX Garneau, le programme, ça volait pas haut quand c'est parti en 2000. Là, on parle d'une coupe, un bol d'or qui a été gagné en fin de semaine. Là, t'sais, fait que t'as du bon produit qui sort de Laval, peu importe les points, là, tu sais. T'as Jean-François Jonca aussi, je me trompe pas, qui est à... Est-tu à Lennox, lui, dans le trois? Il est ouais. À Lennox, hein, donc c'est ça. Donc on a Jean-François Jonca aussi. Gros des gars qui sortent, justement, comme Guillaume l'a dit, du programme du Roger Hart, puis qui s'en va dans les coaching, puis qui... La chimie ou la recette Laval s'applique à ces endroits-là, et ça marche très bien. Ben, je sais pas pour vous, les gars, mais moi, c'est ce que j'aime du football, dans le fond. Ton personnel d'entraîneur, il est tellement important. Tu regardes au baseball, c'est l'entraîneur chef qui dirige les jeux, il colle les jeux. Au hockey, même affaire, c'est lui qui fait un peu les stratégies. Au soccer, t'as à peu près un coach. Tandis qu'au football, si tu peux pas avoir un entraîneur pour chaque unité, si on veut, défensive, offensive, les unités spéciales, les carrières, la ligne défensive, tu sais, ça marche pas. Faut que tout le monde se mette ensemble. Pour que semaine après semaine, on analyse l'autre équipe. Dans le fond, on met des résultats sur le terrain. Là, c'est ça que je trouve impressionnant. Puis, il veut pas Laval, sont durs à battre dans ce cas-là. Concordia aussi avait un excellent personnel entraîneur. Je me souviens plus de son nom, mais je sais que ça fait plusieurs années. C'est Gerald McGrath. Montréal, tu as eu un peu de la misère avec eux, Marc Santerre. Mais on peut dire que Laval, je pense que ce serait un avantage, je veux pas leur donner en fin de semaine. Ben, peut-être juste pour rajouter un peu, là, tu sais, écoute, je coach présentement, puis tu peux pas ne pas arriver avec un coaching staff complet, là, tu sais. Si t'es trois pour coacher une équipe de foot, ben, ça marche pas. T'sais, ça te prend du monde, puis du monde au sens large qui t'entoure, là. Puis ça revient un peu aussi à ce que Trestman a dit en fin de semaine à la fin de la game, quand il a donné ses balles de match. Il les a pas donné à deux joueurs. Il a donné ses balles de match à deux membres de l'entourage de gars de vestiaire qui sont là à chaque game, qui font partie de l'équipe, puis qui, tu sais, c'est niaiseux, mais si ton gars de vestiaire, justement, se pogne le cul, ben ça va se refléter un moment donné quelque part sur tes joueurs, parce que tes joueurs vont être frustrés après, puis ça va entraîner un espèce de non-sens, puis ça marchera pas. Fait que c'est important que l'équipe travaille au complet, tout le monde ensemble, puis ait une vision. Justement, comme tu disais, tu sais, t'as Vision Constantin, il a implanté son système au complet, tout le monde la jette. Trestman a fait la même affaire cette année, tout le monde a acheté son système. Santerre, c'est plate pour le gars, mais présentement, j'ai l'impression qu'à Montréal, le système Santerre a de la misère à passer. Je sais pas si c'est le système ou c'est tout simplement un manque de discipline là, de la part des joueurs. Mais pour preuve, Nick, quand Santerre était au Vieux-Montréal, c'était une équipe, écoute, tu pouvais pas battre le Vieux-Montréal parce que tout le monde achetait le système Santerre. Présentement, le Vieux-Montréal était même pas dans les deux finalistes de la Coupe du Bol d'Or, là, tu sais. Il y a de quoi qui marche pas à quelque part, là. C'est le programme qui a baissé un petit peu. Puis c'est pas mauvais, là, parce que la domination des Spartiates, ça s'en venait un peu trop, je pense, 5 Bol d'Or de suite, là. Ah, peut-être un peu plus que ça peut-être aussi. Peut-être un peu plus. Bon, mais quand tu te gagnes une demi-décennie de Bol d'Or, à un moment donné, ça serait le fun d'en laisser pour les autres clubs. Ben, d'en laisser pour les autres clubs. Ça serait à dire que c'est pas toi. Ouais, c'est ça. Tu serais prêt à dire que Laval, faudrait qu'il y ait un changement de garde. C'était mon prochain. Moi, je propose une rotation des staffs d'entraîneurs à travers la ligue, là. T'sais, de quoi de bien communiste, là. De quoi de bien égalitaire. Donc, c'est ça. Puis même, Marc Santerre, là, je le regarde coacher. Je le regardais dans les matchs cette année. Puis, parce qu'il chante tout le temps après les arbitres. Mais il a l'air perdu. Mais Santerre, tu sais, même dans le collégial, Santerre, ça faisait aller à gueule pour se faire aller à gueule, là, tu sais. Sauf que, il y avait l'équipe pour se faire aller à gueule. Tandis que là, faisait pitié un peu son affaire, là, cette année, là. Ben là, il était mis à l'amende. Je sais pas si t'avais vu la game contre RDS contre, C'était contre Bishop, puis à la demi, l'arbitrage est tout croche. Moi, je vais aller parler aux arbitres. Tu peux pas faire ça, personnellement, là. Tu peux pas aller parler aux arbitres à l'entremise. Quand même bien que l'arbitre, c'est un de tes chums, que tu manges de la fondue chinoise le samedi soir avec lui, puis que non, l'été, vous allez à la pêche, là. Pour le faire un peu, écoute, tu peux, sans nécessairement dire « m'aller chialer à l'arbitre », tu peux demander des points d'éclaircissement à mi-temps ou à la fin de la game sur des situations qui, selon toi... Puis tu sais, ça dépend comment c'est apporté aussi, là. Tu sais, si tu restes gentleman pis poli avec l'arbitre, là, écoute, au Benjamin, c'était écœurant, là. Moi pis le ref, en plein milieu du terrain, on se comptait des jokes, là. Tu sais, c'était même pas drôle, là. Fait que, sauf que, tu sais, quand j'arrivais pis je demandais un point d'éclaircissement, ben, ça passait bien parce que, justement, je parlais pas pour parler, là, tu sais. Ok. Ouais, non, c'est sûr, mais gars, il était mis à l'amende, fait qu'il faut croire que c'était un petit peu trop loin. Non, c'est ça, mais tu sais, ça va avec le personnage. Peut-être juste pour en revenir un peu, j'ai sorti une couple de stats concernant Western Mustang. Écoute, en moyenne, les retours de punt, c'est diverge par saison pour zéro touchdown. Fait que, d'après moi, les unités spéciales, si Laval font bien leur travail... Diverge par... En moyenne, par diverge, ouais, diverge okay. par retour, c'est bon. Là. Fait que si les unités spéciales de Laval répondent bien, tu devrais réussir à pas accorder de toucher là, parce qu'ils en ont fait zéro à la saison. Là. Quelqu'un, par exemple, a un pourcentage de 70% d'efficacité là, pour ses bottés de placement. Okay. C'est quand même bon. Là, oh, ouais. Par contre, son plus long cette saison a été 38 verges. Mais là, je sais pas si c'est le ballon au 38. Ou si c'est 38 verges total, là... Ouais, parce que 38 verges dans... Ça doit être au 38, parce que les poteaux début sont quand même assez avancés. Fait que ça serait la balle placée au 38, ce qui est dans le passé de 54, à peu près? Non. Ouais, ah oui, ok, ouais, c'est... Okay. Okay. Fait que donc un bâté de 50 verges à peu près, ouais, un pas pire de bâté. Non. Plus gros porteur, Nathan Riva, qui va chercher en moyenne 8 verges par portée. C'est vraiment là, lui le key player. Fait que si t'es capable de le contrôler, écoute, ça devrait être assez easy. Par contre, c'est une bonne arme pour la passe aussi. Là. Il est capable de se déplacer du backfield puis de monter là au deuxième niveau assez régulièrement. Là. Il l'a fait une couple de fois dans la saison puis il a une bonne moyenne de pourcentage d'attrapé. Là. Fait que ça peut être intéressant. Puis pour le reste, un quatuor de receveurs là, à surveiller. T'en as 4 qui sont au-dessus de 400 verges de gain pour au total de la saison. Ce qui fait au total, là, si tu mets le résultat ensemble, là, 2013 verges de gain. Ah, c'est une bonne attaque. C'est ouais, non, c'est ça. Une bonne mais tu vois vraiment que c'est une attaque par la passe, là, parce que tu peux pas considérer le Nathan Riva comme une arme là, quand tu fais 8 verges par portée. Là, en moins. Ben, tu sais, oui, sauf que il y a pas beaucoup de verges au total de gain. Il y a 4,87. Okay, il court pas beaucoup. Ben, il y a 4,87 au total de gain cette saison-ci, ce qui est pas si pire que ça. Ben, là, Jamal Lee a fait 2,93 en une partie. Ouais, c'est ça. c'est exactement ça. Fait que c'est ça, écoute, si tu réussis à contrôler la passe, d'après moi, puis tout le monde sait que Laval a quand même une bonne tertiaire pour venir la backer, là, c'est quand même des gars qui sont impressionnants. Là, fait que ça devrait jouer de l'interception. En plus, le corps arrière, je pense qu'il en a lancé 8 cette année. Là. C'est un corps arrière qui vient lancer des canards quand même assez assez fréquemment. Là. Ben, c'est pas super une par game. Là. Je veux dire, c'est pas de la NFL. Là. Ouais, sauf que tu remarques que le gars en a fait 10 puis 15 dans les deux dernières saisons. Là. Fait que tu sais, c'est un corps arrière qui peut chier dans la pelle une fois de temps en temps. Là. Fait que dans le fond, si j'ai bien compris, t'es en train de dire que le Rouge et Or devrait normalement gagner la Coupe Vanier ce dimanche? Ben, je serais pas prêt à dire un outcast. Là, ça va être une grosse game. Mais, si tu suis la logique, à moins que ça fasse comme les Pats l'année passée qui ont passé à côté de la shop. Mais, si tu suis la logique... Ouais, non, c'est ça, mais si tu suis la logique... Ben là, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, ça reste un bon programme de football, ouais, personnellement. Alors vous, les gars, qui va le meilleur côté carrière? Foles à Western ou Benoît Groulx? Non, ça va être... Foles, il y a quand même des statistiques intéressantes cette année. Là. Ouais, mais... Encore au pays, je sais pas. Côté verge, côté touché. C'est sûr, t'as les deux meilleurs corps arrière en présence dans la ligue, mais Benoît Groulx est une coche over. Là. C'est une machine. 15% de passes complétées. C'est mauvais pantoute. Puis deux interceptions seulement cette saison-ci. Moi, je dis... Personnellement, là, je pense que si jamais ça se joue par la passe, puis, tu sais, ça revient à ce que je disais, là, Laval ont une bonne tertiaire. Fait que si ça se joue par la passe, Benoît Groulx a automatiquement un meilleur pourcentage d'efficacité, puis il se fait moins voler le ballon que l'autre. Peut-être monsieur. Plus régulier aussi, là, si tu regardes les saisons antérieures, Groulx, c'est du 12 touchés, 2 interceptions, 11-3, 12-6, 13-5, tandis que l'autre, ça pas. C'est peut-être son année d'éclosion cette année. Là. Il n'y a pas connu des années vargeuses à part cette année. Non, c'est ça. Écoute, puis tu sais, j'ai entendu parler du monde comme de quoi que Benoît Groulx se rapportait. Tu sais, si tu peux mixer là, pas mal là, des deux corps arrière que le Rouge et Or a eu, tu aurais le meilleur corps arrière en Benoît Groulx. Puis, voyons, son nom m'échappe. Mathieu Bertrand. Exactement. Là, écoute, si tu mixes Mathieu Bertrand puis Benoît Groulx, t'as une arme que tu veux même pas avoir à affronter. Ce que Benoît Groulx a pas, c'est la stature de Mathieu Bertrand. Ben, Benoît Groulx a une petite bédaine. non, mais je parlais de la grandeur, moi, là. Aussi, mais il y a quand même une petite bédaine, là, tu sais. Fait que... Wow. Non, mais c'est pas que le gars est athlétique. Mais... On voit comment t'analyses tes games, Guillaume. OK, donc, prédiction? Rouge et Or, mais par 7, je dirais. Oh, serré, toi? Ah ouais, non, écoute, ça va jouer sa défensive, puis ça risque de... On va avoir un très, très beau spectacle en fin de semaine, et je parle dans l'ensemble du football au complet. Là. Toi, Pierre-Luc? Moi, en tant que grand partisan du Rouge et Or... Non, pas partisan, journaliste. Là. Journaliste du Rouge et Or, d'accord, donc j'ai prédit le Rouge et Or par 20. Oh, OK. Donc, une grosse victoire pour le Rouge et Or. Au téléphone, JP? Moi, je vais y aller, Rouge et Or par 10. De Rouge et Or par 10. Exactement. Moi, je vais y aller pour West. Ben non, je vais y aller pour le Rouge et Or. West. Ouais, c'est ça. Je vais y aller par 9. Neuf? Ouais. Moi, j'y vais avec un simple. Un safety, puis... C'est du football canadien. On peut faire des simples à tous les 10 minutes dans le football canadien. Donc, j'y vais avec un score de 9 de différence. Donc, ça devrait être une bonne partie. Une autre question qu'on se pose, c'est de savoir si le stade à Hamilton va être tapissé de rouge pendant le match. Donc, premièrement, il y a un voyage d'organiser à Québec cette fin de semaine, dimanche, pour la Coupe Vanier. Donc, la Coupe Vanier est samedi. Il y a un autre game dimanche, par exemple. Ça se joue pas dans la même ville, cette affaire-là. Si ça vous intéresse, voyage organisé, 418-656-FOOT. C'est pas parce que vous n'êtes pas de Québec que vous n'êtes pas les bienvenus. Ça prend un an et quart, si on est à Québec. Ensuite de ça, on monte à Hamilton, vous allez voir... L'ambiance, c'est extraordinaire. Le voyage en autobus et tout. Donc, si ça vous intéresse, là, gênez-vous pas, c'est très intéressant. C'est le temps d'afficher ses couleurs puis montrer que, dans le fond, on a de la fierté. De football, puis si on veut implanter d'autres équipes à Québec ou n'importe où ailleurs dans la province, c'est là que ça serait le temps de montrer aux gens que... Moi, je trouve qu'il pourrait avoir un programme, au moins un programme de football de plus au Québec, tu sais, je sais pas, un programme, mettons, situé dans le centre du Québec, mettons, y a-t-il une université qui se situe dans le centre du Québec? Ici, là, Trois-Rivières. C'est une idée comme ça que je lance, là. La bataille de la 55. La bataille de la 55, la bataille de la 40. C'est parce que ça ferait une belle halle, tu sais, pour ceux qui viennent à Montréal, là, tu sais, écoute, t'aurais le choix, tu sais, t'irais jouer soit à Québec ou à Trois-Rivières, c'est ça. Tu t'apprépares 40 mois de side, là. Parce que là, pour l'instant, côté football universitaire, à Trois-Rivières, tout ce que Trois-Rivières a, c'est que les autobus s'arrêtent pour faire pipi entre Montréal et Québec. Bon, on change de sujet bien vite. Je vais juste parler au niveau de les répercussions de la victoire des Alouettes. On sait un peu, les Alouettes, là, c'était un petit peu sur en baisse de popularité à Montréal. L'impact. Je suis pas prêt à dire en baisse complète. Là, écoute, quand même, ton stade est plein à chaque game. Oui, mais ça, c'est comme remplir une salle. C'est comme si tu me dis YouTube remplir une salle de 300 personnes. Ou le Canadien, là. Tu comprends, là. Fait que oui, le Canadien pique beaucoup de monde. L'impact a piqué beaucoup de monde aussi. Je sais que t'as des billets de saison aux Alouettes, Guillaume, mais t'es d'accord avec moi. Regarde, on y avait été à game. Ben, j'ai embarqué sur une liste d'attente, puis ils m'ont rappelé le lendemain pour me dire que j'avais mes billets. Tandis que. Recule de une couple d'années, les billets de saison, c'était plus difficile à avoir. Mais c'est parce qu'il en libère, c'est sûr que je me suis informé, il en libère vraiment un set à chaque année exprès pour avoir un renouvellement de clientèle puis s'assurer que... Puis tu sais, t'as du monde qui, par décès ou d'affaires là-même, ne peuvent plus venir au game aussi. Là. Donc, en tout cas, on va juste voir, c'est ça, dans le fond, si les... ça va faire des répercussions au niveau de la popularité, peut-être pour enfin donner un coup de pied à tout le monde pour que le stade McGill se termine. Mais... t'avais quand même 38 000 personnes en grosse toilette en fin de semaine qui étaient là pour les Alouettes. Puis pour y avoir été, t'avais beaucoup de... je te dirais que sur leurs 38, t'avais 18 000 peut-être connaisseurs de football puis un 20 000 nobody dans le lot qui était là pour ben, le show. C'est tout le temps de même, puis ça tu le sais. Là. Non, mais non, c'était pire en fin de semaine, là, Nick. Là. Sérieusement, là, du coach d'Estrade, j'en avais trois aux alentours de moi là, qui étaient même pas le fun. Il y en a un qui voulait prendre Calvio après un quart, puis comme de quoi que c'était un quart arrière fini quand... T'sais, c'est ton meilleur quart arrière que t'as pas eu depuis très longtemps. Là. Ben, c'est le meilleur quart arrière qu'il y a eu pour les Alouettes, là, comme, comme avec on dit. Avec la saison aussi qu'il a connue cette année, là, il a acheté le mot de Tressman, puis ça a cliqué entre ces deux gars-là, c'est écœurant, là. Puis juste, dans le temps qu'il était avec, dans le temps que Tressman était avec les Buccaneers, si tu regardes le comparatif des statistiques de Richie Gannon... Et, ouais, c'est ça. Et puis, le quart arrière qui entraînait quand il était avec les Bucks, c'était... en tout cas, si tu regardes les stats de ces Trent deux... Trent Dilfer? Ouais. Wow, c'est ça. John Donc, King. Si tu regardes... si tu regardes les stats de Calvillo et de Trent Dilfer, OK, c'est exactement dans la même marge. OK, Calvillo a peut-être juste un peu plus de verges de gain, mais c'est parce que le terrain canadien en a 10 de plus que le terrain américain aussi là. Mais pour le reste, écoute, les deux comparatifs là, c'est à égalité sur plusieurs points. Rich Gannon, il a donné un MVP aussi là, faut pas l'oublier ça. Ouais, je t'avouerais sûr que Calvio va y donner un MVP aussi. Exactement. Là. Hey les gars, faut terminer ça là, on manque encore de temps cette semaine. Donc merci JP. Merci encore une fois, les gars. OK, on va passer tout de suite à la partie calendrier. Donc, les Patriots sont cette semaine en action. Deux matchs en fin de semaine. Ils vont affronter Queens vendredi 19h ici même à Trois-Rivières. Et le lendemain, les Patriots affrontent le Royal Military College samedi à 14h ici même encore au Colisée de Trois-Rivières. Pierre-Luc, junior majeur. Yes, donc cette semaine, quand même, beaucoup de matchs dans les villes du centre du Québec. Donc, les Remparts, tout d'abord, sont à Drummondville ce jeudi pour y affronter les Voltigeurs. Ensuite de ça, vendredi, on a Lewiston qui est à Shawinigan, Rimouski qui est à Victoriaville, et dimanche, un gros match là, en deux équipes de la section centre. Les Tigres de Victoriaville sont à Drummondville. Et finalement, on l'a parlé de la Coupe Vanier, samedi qui s'en vient, 22 novembre, 14h sur les ondes de RDS. C'est à ne pas manquer. Vous pouvez nous rejoindre à n'importe quand au www.inconduitedeparti.com. Pour Guillaume Boyeux, Pierre-Luc Giroux, je suis Nicolas Ducharme. On vous souhaite une très belle semaine.